Alors, on va rester dans le domaine de la biodiversité, mais cette fois en faisant le lien avec la criminologie. Je pense que je vais laisser François et Geneviève se parler. Notre chroniqueuse Geneviève Gay, en fait, me pose une curieuse question aujourd'hui. Quel lien existe-t-il entre un tueur en série et les plantes envahissantes? En criminologie, on tente de prédire le comportement des criminels par la méthode de profilage géographique. Cette méthode pourrait être transposée au cas des invasions biologiques qui représentent des menaces pour la biodiversité. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour François. Oups. Alors, tu as parlé de la méthode du profilage géographique, mais en fait, on la décrit comme étant une méthodologie d'enquête criminelle qui analyse les lieux d'une série de crimes reliés pour déterminer la zone la plus probable de résidence de l'agresseur. Donc, en intégrant des méthodes qualitatives et quantitatives, cette méthode aide à comprendre le comportement spatial du criminel et de concentrer l'enquête à un plus petit secteur. Donc, c'est une méthode qui est généralement utilisée dans le cas de viol ou de meurtre en série, mais aussi dans le cas des incendies criminels, d'attentats et de bien d'autres crimes. On envisage maintenant d'utiliser cette méthode pour traquer les sites d'origine des espèces envahissantes, autant animales que végétales, dont les impacts sur la biodiversité peuvent être majeurs. Tu as l'impression que c'est tout un changement de domaine. Oui, mais c'est pas la première fois, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'une méthode développée pour résoudre une problématique est adaptée pour en résoudre une autre. Donc, on entend souvent que les espèces envahissantes sont considérées comme la deuxième plus grande menace pour la biodiversité après la destruction des habitats. D'ailleurs, je ne vous étonnerai sûrement pas si je vous dis que les deux sont liés. En détruisant les habitats, souvent favorise l'arrivée et l'implantation des espèces envahissantes. Donc, c'est parce que les impacts environnementaux et économiques des espèces envahissantes se répercutent à toutes les échelles géographiques que l'on réalise l'importance de concevoir des stratégies efficaces pour prévoir, poursuivre et pour contrôler leur propagation. Donc, c'est une équipe de scientifiques du Queen Mary School of Biological and Chemical Sciences, c'est situé à Londres, qui a démontré que le profilage géographique et l'outil statistique utilisé en criminologie peut être appliqué aux espèces envahissantes. En fait, c'est que le comportement des criminels ressemblerait au comportement des espèces envahissantes, si je comprends bien. Oui, en gros, oui, c'est ça. Donc, dans son article qui est paru dans la revue scientifique Ecography, l'équipe de chercheurs décrit comment ils ont utilisé des simulations informatiques pour comparer le profilage géographique aux moyens de surveillance des espèces envahissantes qui existent déjà. Donc, l'équipe a analysé des données historiques qui sont fournies par le Centre de données biologiques, et ça pour 53 espèces envahissantes en Grande-Bretagne. Ça va des invertébrés marins aux arbres, etc. C'est vraiment diversifié. Et ça pour plusieurs types d'habitats dans les habitats côtiers, les forêts, les habitats aussi qui sont fortement anthropisés, là, soumis aux pressions anthropiques. Donc, ils ont tenté d'identifier le site d'origine, c'est-à-dire la source de chaque espèce. Quand les données réelles ont été comparées à celles obtenues par les simulations, bien, ce sont celles obtenues par profilage géographique qui se sont le plus rapprochées de la réalité, surpassant considérablement les performances des autres méthodes, particulièrement lorsque le nombre de sites est réel ou potentiel augmente. Et comment est-ce qu'on explique ces résultats? Bien, la plupart des méthodes existantes permettent de bien cibler un site d'origine en particulier, mais sont nettement moins performantes quand il existe plusieurs sites d'origine des sources. Donc, c'est ce qui arrive typiquement dans le cas des espèces envahissantes. Souvent, les espèces envahissantes sont introduites sur le territoire à plusieurs endroits en même temps. Donc, les chercheurs croient que le profilage géographique pourrait être utilisé afin de cibler les sites les plus susceptibles d'être envahis, permettant alors de contrôler la propagation des espèces envahissantes dès les premiers stades de l'invasion. Donc, ça maximiserait les efforts consacrés à la lutte contre ces espèces. Oui, puis ça, ben, c'est d'une importance primordiale parce que les ressources allouées à la lutte contre les espèces envahissantes sont limitées de plus en plus, de plus en plus de coupures là-dedans. Donc, l'intérêt d'utiliser les bonnes méthodes sont évidentes, là. Donc, il existe bien sûr d'autres méthodes pour prédire. Là, on parle de plantes qui sont déjà là, qui menacent de s'étendre. Donc, il existe des méthodes pour prédire quelles espèces ont le potentiel de devenir envahissantes. Ces méthodes dites préventives sont utiles, surtout quand on sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais c'est ça. Lorsque les espèces sont déjà présentes sur le territoire, il importe alors de les détecter rapidement et d'agir aussitôt. Dans cette perspective, ben, des outils comme le profilage géographique ont toute leur raison d'être. Oui, tout à fait. Oui. Alors, merci Geneviève. C'est un cas plutôt curieux de transfert de connaissances d'une discipline vers une autre. Alors, on fait un petit saut, en fait une pause musicale sur CKRL et on vous revient avec le portrait robot du journaliste scientifique au Québec.